Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le capitaine de la forêt. C'est l'un des chants les plus emblématiques de la forêt amazonienne. En Guyane française, on appelle cet oiseau le paipaio, mais on le croise aussi sous le nom de pioo, ou même de Lipogus vociférans. Mais quand on est plongé dans le cœur de la forêt, sans chemin a priori visible, coupé du ciel par l'épaisse canopée des arbres, c'est son surnom de capitaine de la forêt que l'on retiendra. Car cet oiseau joue pour les populations locales le rôle d'un indicateur géographique. Il chante toujours en groupe à côté d'un point d'eau, rivière ou filet d'eau, et permet ainsi aux autochtones de se repérer dans la forêt. Le paipaio est une boussole chantante. On le repère à l'oreille, car il est très difficile à déceler dans les feuillages de ces forêts tropicales si sombres. Oiseau vert-gris, de 28 cm environ, assez statique au milieu des arbres, posé à 8 à 10 mètres du sol et volant peu. Pourtant, cette créature quasi invisible a une présence incroyable en Amazonie, car son chant est l'un des plus puissants qu'on connaisse en matière d'oiseaux. Il émet à 122 décibels à 1 mètre. 8 décibels de plus et vous risquez la rupture de tympan. L'autre particularité du capitaine de la forêt est qu'il chante tout le temps. Normalement, les oiseaux chantent au moment du lever du soleil, pendant une heure et demie, puis reprennent le soir vers 6 heures. Lui, non. En dehors de quelques courtes périodes où tous les paipaios se taisent et disparaissent d'un coup, on imagine qu'ils vont se nourrir, manger quelques fruits, ils dépensent une énergie folle à chanter, probablement 90% de leur temps, sans que l'on sache pourquoi. Et avec cette position qui lui est si caractéristique, il ouvre très grand le bec, projette la tête en avant ainsi que tout le poitrail, puis chante en tirant la langue. Le capitaine de la forêt n'est pas un solitaire, il vit en groupe, on parlera de lek, des ensembles de 15 à 30 individus mâles, répartis sur un diamètre de 500 mètres, avec pour chacun un poste de chant principal, sur les branches d'un arbre, auquel il restera fidèle. Il y a une hiérarchie dans le groupe, les leaders sont placés au centre du lek et chantent la mélodie au complet, « Oh, oh, pio ». Tandis que les oiseaux placés dans les périphéries ne chanteront le plus souvent que le début. Oh ou, oh ou. On a donc affaire à une chorale de chanteurs avec une organisation précise où chacun a sa place, son poste et son air. Cette partition musicale est nécessaire pour attirer les femelles jusqu'au mâle et obéit aussi à une loi acoustique qui veut que les sons graves, en l'occurrence ici les oh ou, oh ou, se propagent très loin mais sont difficilement localisables. Tandis que les sons aigus, comme le pio, sont vite absorbés par la forêt, mais sont plus précis. Ce qui fait que la femelle entendra les sons graves en premier, pourra prendre son envol en direction du lek, puis à courte distance, elle se dirigera vers les sons aigus, ceux qui sont facilement localisables et qui sont émis par les leaders. Il ne lui restera alors plus qu'à faire son choix parmi les leaders. Si le mâle est seul, ou que le lek n'est composé que de 2 ou 3 chanteurs, aucune femelle ne se déplacera. Comme quoi, l'union fait la force. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Thierry Aubin du CNRS et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.